Ce qu'il éprouva d'abord, ce fut une stupéfaction infinie. Cette manière de lui faire comprendre l'inanité de son espoir l'écrasait. Il se sentait perdu, comme un homme tombé au fond d'un abîme, qui sait qu'on ne le secourra pas et qu'il doit mourir. Il marchait cependant, mais sans rien voir, au hasard. Il se heurtait contre les pierres. Il se trompa de chemin. Un bruit de sabots retentit près de son oreille. C'étaient les ouvriers qui sortaient de la fonderie. Alors, il se reconnut. À l'horizon, les lanternes du chemin de fer traçaient une ligne de feu. Il arriva, comme un convoi partait, se laissa pousser dans un wagon et s'endormit. Une heure après, sur les boulevards, la gaieté de Paris, le soir, recula tout à coup son voyage dans un passé déjà très loin. Il voulut être fort et allégea son cœur en dénigrant Madame Arnoux par des épithètes injurieuses. C'est une imbécile, une dinde, une brute, n'y pensons plus. Rentré chez lui, il trouva dans son cabinet une lettre de 8 pages sur papier à glaçure bleue et initiale R.A. Cela commençait par des reproches amicaux. « Que devenez-vous, mon cher? Je m'ennuie. » Mais l'écriture était si abominable que Frédéric allait rejeter tout le paquet quand il aperçut en post-scriptum « Je compte sur vous demain pour me conduire aux courses. » Que signifiait cette invitation? Était-ce encore un tour de la maréchale? Mais on ne se moque pas 2 fois du même homme à propos de rien. Et, pris de curiosité, il relut la lettre attentivement. Frédéric distingua. Malentendu, avoir fait fausse route, désillusions, pauvres enfants que nous sommes, pareil à 2 fleuves qui se rejoignent, etc. Ce style contrastait avec le langage ordinaire de la Lorette. Quel changement était donc survenu? Il garda longtemps les feuilles entre ses doigts. Elle sentait l'iris, et il y avait, dans la forme des caractères et l'espacement irrégulier des lignes, comme un désordre de toilette qui le troubla. « Pourquoi n'irais-je pas ?» se dit-il enfin. « Mais si Madame Arnoux le savait ?»« Ah, qu'elle le sache, tant mieux, et qu'elle en soit jalouse, ça me vengera. »